L'offre de remboursement de SFR débarque chez Monsieur Comte de Noël. Il était une fois mon mobile et moi. Par une belle journée, je me rendis chez SFR et là, 500 euros remboursés. Mon ancien mobile devint alors flambant neuf. Pendant le Noël de SFR jusqu'au 6 janvier, profitez de jusqu'à 500 euros de remise sur un nouveau mobile. Soit jusqu'à 400 euros en rapportant votre ancien mobile en magasin, plus 100 euros remboursés sur demande. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, montant de la reprise variant selon le mobile éligible acheté. 100 euros remboursés pour la souscription d'un forfait 60 gigas et plus avec engagement 24 mois. Détails sur sfr.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la mort de Robert Boulin ou la vérité introuvable. Le lundi 30 octobre 1979, au petit matin, le ministre du Travail, membre important du gouvernement Barre, est retrouvé mort dans un étang près de la forêt de Rambouillet. L'enquête conclut rapidement au suicide par noyade après absorption de Valium. Il se trouve que la presse venait de révéler son implication présumée dans une sombre affaire immobilière. Et Robert Boulin n'aurait pas supporté ses suspicions. L'information provoque une vive émotion en France. La mort d'un ministre en exercice, c'est le révélateur paroxystique de l'âpreté du monde politique et de l'exercice de l'État. Vient alors le temps des hommages, mais aussi des premières accusations. Et tous les regards se tournent vers la presse et les amis politiques supposés de Robert Boulin, ceux du RPR, plongés dans la guerre des droites, et qui n'hésitent pas à battre campagne contre le président Valéry Giscard d'Estaing. Ils auraient sorti l'affaire immobilière pour faire tomber le ministre Robert Boulin et nuire, par ricochet, au chef de l'État. Et puis au fil du temps, l'hypothèse de l'assassinat se développe. Les langues se délient, on parle de complot, d'affaires d'État. De nombreux éléments d'enquête auraient été bâclés, perdus, sciemment oubliés. 35 ans plus tard, la famille de Robert Boulin relance la piste de l'assassinat. Et en octobre dernier, Fabienne Boulin-Burja, la fille de Robert Boulin, et son avocate, Marie Dauzet, procédaient à une reconstitution privée dans le but d'obtenir enfin une ordonnance de non-lieu qui écarterait la thèse du suicide. Notre invitée aujourd'hui, Fabienne Boulin-Burja, précisément, qui depuis des années mène le combat pour la vérité sur la mort de son père. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézanob, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Octobre 1979, Neuilly-sur-Seine. En début de soirée, une inquiétude inhabituelle gagne l'appartement des époux Boulin. Vers 19h, un premier homme, Guy Aubert, chargé de mission auprès du ministre, sonne à leur domicile. Il demande à Colette, la femme du ministre, si elle a des nouvelles de son mari. Personne ne l'a vu de tout l'après-midi à son bureau. Réponse négative. À 20h, Guy Aubert quitte l'appartement. Cette visite inquiète Colette Boulin, car son mari rentre toujours avant 20h. Alors, elle prend son téléphone et prévient ses proches, notamment sa fille Fabienne. Les coups de fil s'enchaînent. Fabienne avertit son mari, Éric Burja, qui travaille avec son père, puis son frère, Bertrand Boulin. Celui-ci passe à son tour de nombreux appels. Rien. Il finit par joindre Patrice Aristide Blanc, collaborateur de son père. Ce dernier explique que Robert Boulin ne s'est pas présenté à leur rendez-vous. Alors tous se retrouvent au domicile du ministre. Ils font le tour de l'appartement. En vain. Aucun indice. L'angoisse monte. Vers 23h30, Bertrand Boulin et Éric Burja décident de regarder à nouveau dans le bureau de Robert Boulin. Ils cherchent partout. Éric Burja fouille la corbeille à papier, il prend quelques brouillons, commence à les déchiffrer et là, il tombe sur une feuille où sont écrites quelques lignes dramatiques. « J'envisage de me noyer dans un lac de la forêt de Rambouillet où j'aimais beaucoup faire du cheval. Ma voiture Peugeot 305 est immatriculée 651 GX92. » Dès lors, bien sûr, tout s'accélère. Les deux hommes préviennent le ministre de l'Intérieur, puis Matignon. Les investigations sont officiellement lancées à 6h25 du matin. Une quinzaine d'enquêteurs de la CRPJ de Versailles, ainsi que des gendarmes, partent à la recherche d'une Peugeot bleue au cœur de la forêt de Rambouillet, près des étangs de Hollande. Un épais brouillard automnal couvre les bois. Vers 8h30, aux abords de l'étang, ils allument une cigarette et tout à coup, ils aperçoivent une voiture garée sur la rive de l'étang. C'est une Peugeot 305. Il vérifie l'immatriculation, c'est bien le véhicule recherché. Les gendarmes avancent dans les temps et là, ils découvrent un corps accroupi sur les genoux, à demi enfoncé dans l'eau noire. Le buste est penché en avant. Le corps est immobile, Les deux hommes lancent l'alerte. D'autres s'approchent du corps. Aucun doute, ils reconnaissent le cadavre. C'est bien Robert Boulin, ministre du Travail. Le lendemain et le surlendemain, Jacques Chaban-Delmas, ami de Robert Boulin, ainsi qu'une quinzaine d'autres personnalités politiques ou médiatiques, reçoivent une lettre posthume. En voici un extrait. Messieurs, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. Je l'ai fait scrupuleusement, désirant en toute occasion demeurer exemplaire. Or, voici que la collusion évidente d'un escroc paranoïaque, mythomane, pervers, maître chanteur, et d'un juge ambitieux, haineux de la société, considérant a priori un ministre comme prévaricateur, et de certains milieux politiques où, hélas, mes propres amis ne sont pas exclus, aboutit, pour ma part, à audition, campagne de presse et suspicion. Tout cela serait dérisoire, compte tenu de ma transparence dans cette affaire, si le côté scandaleux ne s'en emparait et si je n'étais ministre en exercice. Cela m'est insupportable et je ne peux moi-même, et surtout pour les miens, le supporter. Je préfère la mort à la suspicion, encore que la vérité soit claire, que ma famille, si unie et que l'on commence à attaquer scandaleusement, se resserre encore davantage dans le souvenir non altéré que je pourrais laisser où j'ai servi l'État et mon pays avec passion et désintéressement. Je vous prie de croire, messieurs, à mes sentiments dévoués. Robert Boulin. Tout est là. Un mot qui annonce le lieu où le retrouver, une lettre qui explique le geste et qui dénonce la campagne et les accusations. Le ministre s'est suicidé. Fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à ce geste ultime ? D'abord, qui est Robert Boulin ? Pour répondre à cette question, on aurait envie de tracer une ligne toute droite, sans rupture ni cassure. Ancien résistant, gaulliste de la première heure et franc-maçon, Robert Boulin est entré en politique comme on entre dans les ordres, avec le sens du devoir et de la fonction publique, sans autre ambition, si ce n'est celle de servir l'État dans le sillage tracé par le général de Gaulle. Son aventure politique débute en Gironde, sa région natale, sous la houlette de celui qui deviendra son ami Jacques Chaban-Delmas. Il est élu député UNR en 1958, donc gaulliste, puis maire de Libourne en 1959. En 1961, il est nommé secrétaire d'État aux rapatriés. Son ascension politique est lancée. Les saisons passent, les hommes changent, mais lui reste. Sous Georges Pompidou, il est secrétaire d'État au ministre sans discontinuer jusqu'en 1973. Et il revient au gouvernement en 1976, sous Raymond Barre, qui vient de succéder à Jacques Chirac. Durant 3 ans, à des ministères différents, il tient le cap, gère les affaires avec la rigueur et le sérieux que tous lui reconnaissent. Profession, ministre. Alors quand le bateau Raymond Barre se met à tanguer en 1979 et que le bruit court que Valéry Giscard d'Estaing va bientôt remanier son gouvernement, la liste des premiers ministrables n'est pas longue. Et le nom peu médiatique de Robert Boulin finit par émerger. Il faut dire qu'il vient de battre un sacré record. Voilà 15 années qu'il est au gouvernement, plus longtemps que Colbert, c'est dire. La question lui est donc constamment posée. Mais en professionnel aguerri de la politique, il botte en touche. Un comportement exaspérant, mais classique, tous l'ont fait avant lui et après lui. Monsieur le ministre, je ne peux pas ne pas vous poser la question qu'on lit souvent, qu'on entend souvent poser. Est-ce que Robert Boulin va être Premier ministre ? Ça, tout le monde le dit peu ou prou. Oui, écoutez, si ça fait partie d'une boutade, faisons des boutades. Ce que je dois vous dire en pleine conscience, je ne dis pas ça du tout parce que ce serait un peu ridicule, par esprit de solidarité gouvernementale, je ne sais pas ce que l'on peut faire autre chose que la politique de M. Barre. Dans les circonstances difficiles, il a démontré la rigueur, le courage, et il dit la vérité aux Français, il faut tenir cette ligne, et par conséquent, je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement de ligne qui serait catastrophique, me semble-t-il, dans l'intérêt national, que nous sommes là tous pour défendre. Robert Boulin est tout, sauf un matamore. C'est un homme prudent, une sorte de notable aux allures de notaire. C'est surtout un homme expérimenté qui a bien pris la dimension de la guerre des droites qui fait rage. Entre lui et Jacques Chirac, notamment, l'humeur n'est pas au beau fixe depuis 1974. À la mort de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas entame trop vite une campagne dont le directeur n'est autre que Robert Boulin. En face, Jacques Chirac lance l'appel des 43 en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Après la victoire de celui-ci, il est fort logiquement nommé Premier ministre et dans la foulée, en 1976, il prend la tête d'un parti néo-gaulliste qu'il a créé comme instrument de son ascension, le RPR. Pour les gaullistes historiques, dont Robert Boulin, c'est le coup de trop. Un an plus tard, Jacques Chirac remporte les élections municipales parisiennes au nez et à la barbe du candidat giscardien Michel Dornano. De l'hôtel de ville, il agit comme un sniper qui canarde le président. L'Élysée devient citadelle assiégée. Robert Boulin, lui, a réintégré le gouvernement et reste malgré tout au RPR, car il ne faut pas faire éclater le groupe parlementaire. Prudence toujours. À la rentrée de 1979, la cote de popularité de Raymond Barre est au plus bas. Et les affaires commencent à sortir. Le 12 septembre, c'est la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui fait la une. Trois semaines plus tard, c'est l'affaire des diamants de Bokassa qui éclate. Une arme de destruction massive pour le chef de l'État qui se retrouve acculé. Alors il va changer de Premier ministre, cette fois c'est sûr. Et donc on scrute tous les signes. Comme lors de ses déplacements à Libourne où le président rend un hommage appuyé à Robert Boulin. Et si vous me permettez de donner un tour plus personnel à cet éloge de votre mère, je vous rappellerai que nous avons été ensemble il y a longtemps au ministère des Finances. Naturellement, quand on évoque le ministère des Finances, on n'est pas sûr du résultat que l'on obtiendra dans son auditoire. Mais nous étions, moi ministre, vous secrétaire d'État, et nous avons travaillé sous l'autorité du général de Gaulle à l'époque, président de la République, et de M. Pompidou, à l'époque, Premier ministre, pour restaurer les finances publiques de la France et assurer la stabilité de sa monnaie. Et j'ai toujours trouvé à l'époque, auprès de mon secrétaire d'État, qui était Robert Boulin, la coopération la plus efficace, la plus compétente et la plus loyale. Quel hommage! Sauf que Robert Boulin se sait menacé. Depuis quelques années, une histoire immobilière le tracasse. C'est comme s'il avait un caillou glissé dans la chaussure. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et ce caillou porte un nom, Ramatuelle. C'est là, sur ce terrain de la côte varoise, acheté en 1974, que le ministre a fait construire sa maison secondaire. Ce terrain, il l'a acheté à Henri Tournet, un homme rencontré quelques années auparavant par l'intermédiaire de sa femme. Ancien résistant, fervent gaulliste et haut fonctionnaire, aux yeux de Robert Boulin, cet homme a quelque chose de chimiquement pur. Autrement dit, il le séduit. En 1972, le ministre et sa femme cherchent une maison secondaire. Henri Tournet propose de leur vendre une parcelle d'un terrain qu'il possède à Ramatuelle. Il essaye d'y faire construire des villas, mais il n'arrive pas à obtenir les autorisations. Alors, il se dit qu'avec le soutien de Robert Boulin, les autorités devraient céder. Le ministre hésite à acheter le terrain. Mais le 28 juillet 1974, il acquiert la parcelle de Ramatuelle pour la somme de 40 000 francs. L'acte de vente est officialisé chez le notaire comme il se doit. Robert Boulin ne le sait pas encore, mais c'est le début de l'engrenage. Car pour le projet de construction d'Henri Tournet, ça bloque. À tel point qu'il vend ses terrains à des promoteurs normands, puis à une société suisse Olitour, dont il est lui-même le président. Un imbroglio financier qui finit par se voir. En 1975, une plainte est déposée par les normands pour la vente frauduleuse des terrains de Ramatuelle. Le temps passe et l'affaire commence à poindre. Le 27 février 1979, Henri Tournet envoie une lettre à Robert Boulin et là, le ton vire à la menace. Mon cher Robert, après ton téléphone du 31 janvier, j'ai voulu attendre pour t'écrire, de savoir si mon irritation contre toi était réelle ou durable. C'est le cas. Depuis 3 ans, depuis que Groult, notaire véreux, a été voir Guéna en menaçant de faire un scandale contre toi, tu m'as demandé d'arranger les choses. Avec ses malhonnêtes. J'ai prouvé que je le faisais, mais toi, tu les ménages, en montant en épingle ce qui pourrait me faire peur. Je te l'ai dit 100 fois et maintenant pour la dernière. C'est une politique non seulement inamicale, mais inefficace, dont je suis surpris qu'un homme de ton envergure ait songé à la pratiquer, bien qu'il soit habituel en politique de faire pression sur ses amis pour s'arranger avec ses ennemis. Il est certain que tu étais informé de l'affaire Olitour depuis le début. J'ai des lettres de toi. Il est certain que j'ai protégé tes intérêts jusqu'à maintenant, ce qui m'a coûté beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. J'ai agi ainsi par amitié, comme bien souvent, comme pour un certain soutien et financement électoral, comme pour le don du terrain. Quant à toi, Tu t'es dérobé pour me soutenir sans utiliser réellement la puissance de ta position et la valeur de mes droits. Tu t'es trompé radicalement sur ma personnalité et mes possibilités. Se tromper est le vice des hommes politiques. Je ne peux arriver à croire que tu sois comme les autres. Je suis prêt à te conserver mon amitié, mais tu prouveras la tienne de façon concrète et non verbale. Les deux hommes sentent depuis quelque temps que cette histoire tourne mal. D'autant plus que le 7 mars, l'affaire est confiée à un jeune magistrat de Caen, Renaud Van Ruinbeck, celui que nous connaissons tous aujourd'hui. Et déjà à l'époque, ce magistrat fait preuve de pugnacité. Il fonce. Le 11 juin 1979, il perquisitionne le domicile d'Henri Tournay. Bonne pioche. Les enquêteurs trouvent plusieurs documents qui témoignent de la relation entre Henri Tournay et Robert Boulin. Tournay est inculpé puis incarcéré. Robert Boulin sent bien que cette histoire peut lui causer de graves ennuis. De fait, le 17 octobre, le journal Minute, publication d'extrême droite qui par définition déteste les gaullistes, publie un article avec pour titre « Boulin a fait une belle boulette ». Dans l'article, pourtant, Robert Boulin est plutôt présenté comme la victime d'une escroquerie. Mais le mal est fait. L'information est sortie. Le ministre, qui s'est préparé depuis de longs mois à cette éventualité, décide de répliquer. Il contre-attaque au cours de l'émission du Club de la Presse sur Europe 1. Nous sommes le 21 octobre 1979. J'ai acheté en 1974 un terrain dans la presqu'île de Ramatuel. Par acte authentique devant un notaire, j'ai transcrit, conformément aux règles d'urbanisme en cours et dans le respect le plus absolu de ces règles d'urbanisme, je vais faire une maison de 180 mètres carrés pour 2 hectares de terrain, car le COS était de 0,03, sans dépendance ni étage. Et puis, mon affaire est terminée. Bon, et ni garage, ni étage. Non, non, non, 0,03, je pouvais faire que 180 mètres carrés au sol pour 2 hectares. J'ai respecté scrupuleusement les règles d'urbanisme. J'apprends 4 ans après qu'il y aurait eu des ventes antérieures de ce terrain par un personnage qui aurait vendu plusieurs fois. Je vous réponds quoi? Moi, je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon, il y a une instance pénale, je n'y suis pas parti. Il n'y a pas d'instance civile contre moi, mon terrain n'est pas menacé. Qu'est-ce que je réponds? Moi, je laisse parler les gens, et j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire. Et peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Quelles sont ces choses? Que sous-entend Robert Boulin? Soupçonnerait-il certains membres du RPR d'avoir sorti l'affaire, comme ils l'ont fait, dans son esprit, pour les diamants de Bocassa et la villa de Raymond Barre? Qu'ils ont des dossiers les concernant? Pense-t-il qu'Alain Perfide, garde des Sceaux, ne l'aurait pas assez soutenu, vu la compétition en cours pour Matignon? Toutes ces questions restent en suspens. La presse, elle, poursuit son travail. Le Canard Enchaîné publie un article le 24 octobre qui met en cause directement, cette fois, Robert Boulin. Puis, c'est au tour du journal Le Monde de s'emparer de l'affaire. Le ministre le sait, sa carrière politique vacille, l'étau s'est refermé. Certains proches en témoignent, il a l'air déprimé, atteint par une polémique qui remet en cause son intégrité. D'autres soulignent sa volonté de se battre, de dire sa vérité. Auprès de ses compagnons francs-maçons, de ses amis politiques, il dit sa tristesse et son sentiment d'injustice. Et puis il le sait trop bien, avec cette histoire, les digues vont sauter, sa famille risque d'être touchée. 2 semaines après l'apparition du premier article, le cadavre de Robert Boulin est retrouvé en forêt de Rambouillet. We'll be right back. octobre 1979 est temps de remous. C'est le colonel de gendarmerie Jean Pépin qui dirige les opérations. Le corps de Robert Boulin est tiré hors de l'eau. À l'intérieur de la voiture, les gendarmes trouvent un Bristol. Au recto, stylo bille bleu, sont écrits ces mots. Les clés de la voiture sont dans la poche droite de mon pantalon. Et puis au verso, à l'encre noire, embrasser éperdument ma femme, le seul grand amour de ma vie, courage pour les enfants. Puis les gendarmes doivent laisser la place. L'enquête est confiée à la SRPJ de Versailles sous le commandement d'Alain Tour. À 10h, une dépêche AFP annonce la mort de Robert Boulin. La thèse du suicide s'impose immédiatement dans les médias. Au journal de 13h, soit 5h à peine après la découverte du corps, la journaliste Danielle Brehm sur Antenne 2 annonce le suicide de Robert Boulin. Monsieur Boulin se serait bourré de barbiturique, il serait entré dans l'eau des étangs de Hollande et sans doute serait-il tombé car on l'a retrouvé à genoux, asphyxié dans 60 cm d'eau. Le corps n'est même pas arrivé à l'Institut médico-légal, aucun examen légiste n'a été effectué, mais déjà, la thèse du suicide est assénée. À l'Assemblée nationale, l'information a vite circulé. Dans la précipitation, les hommages se mêlent aux accusations. C'est Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, grand ami de Robert Boulin, qui prend la parole dans l'hémicycle. Il entame son discours, les députés se lèvent. Il a dû subir une campagne de dénigrement, d'autant plus dure à supporter qu'elle visait un honnête homme, un homme intègre. Puissions-nous méditer pour tirer les leçons de ce drame, de cet assassinat qui n'atteint pas seulement Robert Boulin, mais la France et la République. Assassinat, le mot résonne fort dans l'hémicycle. Le président de l'Assemblée est-il sous le coup de l'émotion? A-t-il oublié d'atténuer son propos? Voulait-il parler d'assassinat moral? Non. Le lendemain, il enfonce le clou. Je ne peux pas désigner les assassins. Le mot est prononcé à plusieurs reprises, assassin. Et puis on dénonce l'odieuse campagne de presse, ces torchons qui salissent la liberté d'expression, entend-on ici et là. L'exemple de Roger Salengros, ce ministre du Front Populaire qui s'est suicidé après une campagne diffamatoire du journal Gringoire, est cité. Mais si la mort de Roger Salengros survenait après une série d'articles terribles et s'étalait sur plusieurs mois, le suicide de Robert Boulin survient 3 semaines seulement après la sortie de l'information qui d'ailleurs a été peu reprise. Minute et Le Canard Enchaîné diffusent un communiqué dans la foulée de l'annonce du décès. Ils n'ont fait que leur travail d'information, disent-ils, rien d'autre. Alors, comment expliquer le geste du ministre? Inévitablement, les regards se tournent vers Henri Tourné, l'homme à l'origine de l'affaire Ramatuelle, et celui-ci s'en défend. On a cherché à faire de moi un bouc émissaire et à me transformer en machine infernale. Je ne suis pas un homme politique et j'ai fait au contraire des efforts désespérés en écrivant au président de la République pour l'alerter dès le 13 août qu'un scandale politique pouvait sortir de cette affaire. Comme cette machination ne vient pas de moi, il faut bien que cette machination vienne de quelqu'un. Et de quelqu'un très haut placé. Comme c'est évidemment pas moi qui ai fait ça, comme ce n'est pas non plus le juge d'instruction, je me demande qui c'est. À nouveau, on se renvoie la balle. Manipulation, suspicion, complot. Les mots sont choisis comme pour mieux brouiller les pistes. D'autant plus que le lendemain de la mort du ministre, la lettre posthume de Robert Boulin arrive chez ses destinataires. Une dizaine de lettres ont été postées aux alentours de 17h à la poste de Montfort-Lamoury, non loin de l'endroit où le corps a été retrouvé. Ces lettres sont destinées à des personnes ou des organes de presse. Jacques Chaban-Delmas, Alain Perfide, le journal Minute, l'agence France Presse, le commissaire Éric Samissov de la police de Neuilly. À certains courriers sont joints des petites notes manuscrites. Notons celle envoyée à l'AFP. J'ai décidé de me noyer dans un lac de la forêt de Rambouillet où j'aimais beaucoup faire du cheval. Presque le même mot que celui retrouvé dans la corbeille de son bureau. J'ai décidé, remplaçant j'envisage. Cette lettre est émaillée de nombreuses fautes d'orthographe et le ton est violent. Robert Boulin y explique l'affaire, se disculpe et surtout condamne. Il accuse Henri Tourné, il accuse le juge Van Ruynbeck, qu'il surnomme Saint-Just ou le juge Rouge. Il critique ouvertement le garde des Sceaux à l'imperfite. Pour le reste, pas de nom, juste des insinuations. Certains milieux politiques. Qu'entend-il par là? Le RPR? Le SAC, ce fameux service d'action civique qui joue les gros bras dans les meetings gaullistes? L'affaire devient ouvertement politique. Les regards se tournent vers Alain Perfit, mais aussi vers le RPR. Et on soupçonne le pouvoir de vouloir étouffer l'histoire. Le jour des obsèques, le 3 novembre 1979, le journaliste Philippe Alexandre, chroniqueur sur RTL, affirme à l'antenne qu'au milieu du mois de septembre, des dirigeants du RPR étaient au courant de l'affaire de Ramatuelle et qu'ils avaient décidé de la sortir. Le RPR réplique et attaque le journaliste en justice. Les faits réussis, les soupçons gagnent l'Assemblée. Et le 7 novembre, Laurent Fabius interpelle le Premier ministre, Raymond Barre. Monsieur le Premier ministre, l'opinion éprouve à propos du décès de M. Boulin, en même temps que l'émotion, une très grande perplexité. Les motifs, les circonstances, les conditions exactes, tout cela n'apparaît pas clair. Êtes-vous réellement prêt à rechercher la vérité? Qui nous garantit qu'une fois de plus, elle ne sera pas étouffée? Monsieur le député, vous faites état de rumeurs, d'insinuations, de calomnies qui se sont développées au cours de ces dernières semaines et qui s'attaquent sans vergogne à des hommes publics dans leur dignité et dans leur honneur. Là-dessus, monsieur Fabius, je vous réponds que le gouvernement se détourne avec dégoût et avec mépris de toutes ces manœuvres, d'où qu'elles viennent. Il n'y a pas d'affaire Boulin, il y a une affaire Groult-Tourné. Malgré les soupçons, malgré les doutes, malgré les attaques politiques, tous conviennent du suicide du ministre, y compris sa famille. Le 29 novembre 1979, Alain Tour, le commissaire de Versailles qui dirige l'enquête, rend son rapport. La conclusion est claire, le décès de Robert Boulin est consécutif à un suicide par noyade précédé d'une forte absorption de Valium, point. Mais tout bascule quelques années après. 13 mai 1983, sur la une de Paris Match, on voit le corps de Robert Boulin étendu au bord de l'étang en costume bleu sombre. L'avant-bras droit est élevé vers le ciel, comme suspendu en l'air. Le visage du ministre apparaît huméfié, comme s'il avait reçu des coups. Dans cet article, le fils de Robert Boulin pose une question. « Et si on avait tué mon père ?» Ainsi, 4 ans après les faits, la famille Boulin change de position. Elle est à présent convaincue, et elle en est convaincue. Le ministre a été assassiné. C'est sa femme, Colette Boulin, qui a eu les premiers soupçons quand son avocat Robert Badinter lui a remis le dossier judiciaire en 1981. Elle trouvait l'enquête bâclée, quelque chose clochait. Les photos de son mari, le visage marqué, les traces autour des poignets, comme s'il avait eu les mains attachées. Et puis, franchement, comment peut-on se noyer dans 50 cm d'eau? Au cours de discussions, elle avait entendu des proches du ministre évoquer la piste de l'assassinat. Il parlait du sac. Bon, elle n'avait pas relevé, mais elle s'en souvient. En 1983, la famille Boulin change d'avocat. C'est Jacques Vergès qui reprend le dossier. Et avec lui, la mère, le fils et la fille Boulin modifient leur stratégie. Ils portent plainte contre X pour homicide volontaire. Ils demandent qu'une seconde autopsie soit réalisée. En janvier 1984, les résultats de cet examen tombent. Bertrand Boulin prend la parole et s'attaque directement au procureur général de l'époque. Monsieur le procureur de la République, dans la tentative qui a failli réussir de cacher les causes de la mort de Robert Boulin, ternir sa mémoire et soustraire ses assassins au bras de la justice, vous avez joué un rôle essentiel en ordonnant au médecin légiste de se livrer à une autopsie incomplète, c'est-à-dire à une parodie. Quand des légistes, en effet, constatant 7 ecchymoses au visage d'un mort, déclarent les ecchymoses superficielles sans faire l'examen radiologique du crâne, nous disons qu'il s'agit d'une opération de camouflage et d'une imposture. Quand des légistes enlèvent la langue, le larynx et le pharynx d'un prétendu noyé, mais ne se livrent à aucun examen anatomopathologique de ses poumons, qu'ils détruisent, nous disons qu'il s'agit d'une forfaiture et d'une opération de camouflage. De cette imposture, vous auriez été, de leur aveu écrit, le maître d'œuvre. Aujourd'hui, malgré les manipulations du cadavre auxquelles des gens sans aveu de la famille se sont livrés, et dont le résultat devait être de rendre impossible toute recherche des causes exactes de la mort de Robert Boulin, la deuxième autopsie, incomplète mais pour cause de force majeure cette fois-ci, fait apparaître que Robert Boulin, les mains entravées, a été frappé avant sa mort. Dans ces conditions, Nous vous rappelons que la loi vous ordonne de transmettre sans délai ce dossier à la chambre criminelle de la Cour de cassation afin de dessaisissement du tribunal de grande instance de Versailles. Avec ce changement de cap, on se replonge dans l'enquête et c'est la stupeur, tellement les zones d'ombre sont nombreuses. L'autopsie d'abord ne serait curieusement pas allée jusqu'à son terme, sans aucun examen approfondi de la tête, là justement où se trouvent les tuméfactions. Un autre point sensible est soulevé, celui des taches qui apparaissent sur un cadavre quand le sang s'arrête de circuler. Leur emplacement ne correspond pas à la position du corps de Robert Boulin. Ce qui veut dire que le cadavre aurait été déplacé. Et ce n'est pas tout. Les poumons et les prélèvements sanguins ont mystérieusement disparu à l'Institut médico-légal. Ils étaient pourtant essentiels pour cette seconde autopsie. Ces mystères de l'enquête éclairent sous un autre jour les doutes de la famille Boulin. Les archives de Robert Boulin ont été détruites sans qu'il soit prévenu. Les dossiers que le ministre avait rapportés chez lui le jour de sa disparition n'étaient plus dans son bureau le lendemain. Ça fait beaucoup. Reste à trouver un mobile pour Bertrand Boulin. C'est clair, son père se savait menacé par l'affaire Ramatuelle. Alors, il s'apprêtait à sortir lui aussi des dossiers. Sur les plateaux de télévision, Bertrand Boulin brandit des documents, une liste d'affaires recensées par son père, elfes d'assaut, des détournements d'argent public, des contrats troubles, autant de pistes pouvant expliquer un assassinat. La justice est saisie. Elle saisit de l'affaire et pendant des années, elle va tenter de renouer les fils de ses doutes, de ses ombres, dans un tableau qui semblait pourtant si limpide, celui du suicide. Et pourtant, le 20 septembre 1991, la juge d'instruction Laurence Wisniewski rend une ordonnance de non-lieu. Elle conclut, elle aussi, au suicide. Mais pour Fabienne Boulin, la fille du ministre, son père a bel et bien été assassiné. Et si l'enquête piétine, on ne veut pas aboutir parce que elle soulève une affaire d'État. Vous savez, je crois que c'est un dossier qui fait peur à tout le monde, parce qu'il montre comment fonctionne notre démocratie et jusqu'où elle peut aller pour une raison d'État. Effectivement, ça fait peur à beaucoup. Mais nous dirons, nous sommes partie civile, nous avons droit de savoir la vérité, et aucune raison d'État privée, entre guillemets, ne permettra de dire que c'est un suicide, alors que nous avons la preuve que c'est un assassinat. Que la vérité éclate ou non sur la mort de Robert Boulin, elle restera l'une des affaires les plus sombres de la Ve République. Un grand commis de l'État, un homme qui avait la passion du service public dans ce qu'il a de plus abouti parce qu'il était ministre, a payé de sa vie l'atteinte portée à son honneur, alors que cette affaire de terrain Ramatuelle n'était pas l'affaire du siècle. Il y a dans cette tragédie quelque chose qui rappelle celle qui a terrassé Pierre Bérégovoy. La comparaison s'arrête là, bien sûr, car seule la théorie du complot milite pour l'hypothèse de l'assassinat de l'ancien Premier ministre de Mitterrand, ce qui n'est pas le cas pour Robert Boulin, dont il est permis de penser qu'il a été assassiné. Et du reste, cette thèse est soutenue par des gens sérieux qui ont mené des enquêtes sérieuses. Enfin, comme on a dit, tu restes encore 8 jours, le temps de vous trouver. Grand amour, j'ai pas grand chose à dire, pas trop de conseils à donner. Mais tu devrais réfléchir, les larmes t'as déjà donné. Tu veux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Je ne t'avais pas promis mes plus belles années, elles sont loin derrière moi, mais le passé, c'est le passé. L'important aujourd'hui, bien sûr, c'est ton bonheur, mais je le vois mal parti avec cet oiseau de malheur. Tu veux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais. Enfin, comme on a dit, entre nous c'est net, tu seras l'ami de mon ami, je serai de faire avec, et si je tiens pas la route, je sais où vous trouver, la nuit ou l'insomnie fera que j'ai envie de vous parler. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi. suis déjà pas un saint. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la mort de Robert Boulin, notre invitée Fabienne Boulin-Burjat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la fille de Robert Boulin. Vous venez de publier Le Dormeur du Val, une jolie référence à l'un de vos poètes préférés, aux éditions Don Quichotte. La poésie s'arrête là parce qu'évidemment tout le reste est plutôt sombre. Hein. Cette histoire est sombre, elle est dramatique. Et vous disiez dans l'extrait que nous avons diffusé là dans le récit qui remontait à le récit remonte à 2015. Vous disiez cette affaire fait peur. Est-ce que vous pensez qu'elle fait toujours peur? Alors sous-entendu, elle fait peur aux politiques qui n'aurait pas la conscience tranquille, elle fait peur dans ce qu'elle peut dire des dérives de la démocratie. Parfois, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle fait peur? Oui, elle fait peur parce qu'il faut reconnaître que dans notre pays dit démocratique et des droits de l'homme, il y a eu dans les années 70-80 des officines de Barbouze avec le sac à la manœuvre qui était le bras armé de certains politiques et qui n'avaient pas de scrupules de dézinguer les gens qui pouvaient empêcher les personnes qui voulaient mettre au pouvoir de désinguer leurs ennemis, voilà, sans aucun scrupule, parce que ce qui comptait, c'était le pouvoir. Alors ça fait peur, parce qu'effectivement, vous voyez tout un appareil d'État qui est investi par le SAC, par ses officines de Barbouze. Et dans le dossier Boulin, on voit très bien un procureur général qui fait partie de ces Barbouze et un tas de gens qui vont jouer ce rôle et qui vont arriver à finalement faire croire à une thèse officielle qui est une véritable fiction. La thèse du suicide. Rien ne repose sur la réalité. La thèse du suicide, donc, hein, la thèse officielle. La thèse du suicide, bien sûr, la thèse officielle, qui ne repose sur rien, sur aucun fait, mais beaucoup de gens, effectivement, ont été obligés de défendre cette thèse, d'abord parce qu'ils ont cru que ces gens en place ce qu'ils leur disaient, puis il y a beaucoup aussi de sentiments d'opportunisme, et regarder cette France-là, eh bien, il y en a peu qui osent le faire. Alors, le fait le plus récent concernant cette longue quête pour la vérité qui dure depuis 40 ans maintenant, remonte à quelques jours, fin octobre, là, avec la reconstitution des faits. C'est une reconstitution, et on va l'expliquer ça, parce que c'est pas forcément courant, reconstitution des faits, mais sans un juge, sans l'appareil judiciaire, vous, votre avocat, d'autres personnes, vous appelez ça une reconstitution citoyenne, je crois. Dites-moi d'abord, comment ça s'est organisé, avec qui? Qu'avez-vous fait ce jour-là? Et ensuite, on en parle. Écoutez, c'est parce que depuis 4 ans et demi, il y a une ouverture à Versailles, notre plainte, une nouvelle plainte à Versailles, qui est instruite depuis 4 ans et demi, et les choses n'avancent pas. Nous, devant cette inertie de la justice, puisqu'on a demandé à peu près 33 auditions, et qu'il y en a à peu près 5-6 personnes qui ont été entendues, nous avons décidé qu'il fallait que l'on fasse bouger l'opinion publique pour que les juges puissent avoir les moyens de faire la vérité sur cette affaire. Donc la reconstitution, normalement c'est le juge qui l'organise, je crois que c'est la première fois qu'il y a une partie civile qui prend l'initiative de faire une reconstitution que j'appelle citoyenne, c'est-à-dire qu'on va faire ça très sérieusement, en présence de témoins, et nous allons voir, parce que cette reconstitution aurait dû être faite depuis 1983. Donc nous avions peur que des témoins importants disparaissent, comme beaucoup d'autres témoins dont nous avions demandé l'audition ont disparu, et donc pour nous c'est une perte de chance considérable. Alors lors de cette reconstitution, justement, deux témoins apportent leur concours. Qui sont-ils, que disent-ils, qu'ont-ils vu? Alors nous avions deux témoins, l'un qui était un médecin urgentiste du SMUR, d'un camion de pompiers qui avait été ailé par les deux motards qui avaient trouvé le corps vers 8h40 à l'étang rompu. Et donc ils sont arrivés et là le médecin urgentiste a eu le temps de voir le corps de mon père dans 50 cm d'eau. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'il nous a fait déambuler autour de l'étang, nous a amené de l'autre côté. Nous ne savions pas que c'était de l'autre côté que ça s'était passé, à côté que la voiture était parallèle à la départementale. Et là, il nous a dit qu'il n'y avait pas de doute, que cet homme n'a jamais été noyé. C'est ce que d'ailleurs m'avait déjà dit le gendarme Desvart qui avait découvert le corps. La tête était au 4/5 hors de l'eau, la bouche hors de l'eau, qu'il n'était pas cyanosé, qu'il était livide, qu'il y avait des coups partout. Il a pensé avec les pompiers qu'il y avait eu une bagarre et qu'il était mort sous les coups. Donc, quand vous ne pouvez pas noyer qui a le bras levé, enfin, il y a des éléments médicaux légaux qui sont très précis pour ne dire qu'il n'y a jamais eu noyade. Donc il aurait été... Il aurait été tué, roué de coups, tué, et le corps aurait été déposé, là, dans l'eau. Voilà. D'ailleurs, le médecin dit que les rigidités cadavériques dataient au moins de 4 heures. Voilà. Et donc, lui, il pensait, comme avec les trois pompiers avec lesquels il était, que le corps était transporté dans un coffre, parce que pour avoir cette position d'un bras levé, d'une main cassée, etc., c'était qu'il était dans un peu contraint dans le corps a été contraint dans un coffre de voiture. Donc ça, c'était très important et très impressionnant, parce qu'après le deuxième, à chaque fois, nous avions quand même des témoins qui sont des témoins solides, qui sont des gens de bonne volonté, qui sont des gens honnêtes. Le deuxième témoin, lui, est arrivé à peu près 35 minutes plus tard. C'est un inspecteur du SRPJ de Versailles qui, lui, a vu le corps de l'autre côté de l'étang. Plus du tout la tête, la tête hors de l'eau, mais il a vu la tête dans l'eau avec juste, on ne pouvait voir que le dos. Donc, la voiture avait été déplacée aussi de ce côté-là. Donc, c'est très intéressant parce que on n'avait pas pensé qu'il y avait eu un déplacement du corps, bien que le gendarme Desvart avait dit qu'il avait déplacé la voiture. Et ça, c'est important parce que quand tout le monde voit le corps, parce que tout le monde finit par arriver et qu'on voit Robert Boulin la tête dans l'eau, la noyade est plausible. Et comme la noyade, eh bien, c'est ce qui a été annoncé depuis 2h du matin à toutes les gens importants de l'État, et que à 3h du matin, Raymond Barre, Premier ministre, apprend qu'on a retrouvé le corps de Robert Boulin, le ministre de l'Intérieur à 2h, etc. Donc il fallait bien quand même que si on voyait le corps comme l'a vu ce médecin réanimateur, personne n'aurait pu y croire. Alors, voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut reconstituer ce qui se serait passé, l'hypothèse la plus probable? Donc, Robert Boulin aurait été tué ailleurs, transporté. Quel scénario on peut échafauder? Alors, on a des témoins dont on demande justement l'audition, qui ont des choses à dire sur ce transport. On a aussi des témoins qui ont des choses à dire sur l'emplacement de la voiture. Et ça fait, voilà. Et c'est pour ça qu'on piave d'impatience, parce que il faut avancer dans ce dossier. Il faut qu'on arrête avec les impressions des uns et des autres. Il faut s'appuyer sur des éléments vraiment factuels. Et alors, il faut quand même savoir que, quand même, quand vous mettez ensuite, vous savez que le corps va être transporté à l'Institut médico-légal, qu'il va y avoir une autopsie qui va se faire avec le procureur à l'intérieur de la salle d'autopsie, et puis Tour qui dirige le SRPJ de Versailles, enfin qui suit cette affaire. Et quand ensuite, à la deuxième, nous avions demandé une deuxième autopsie et qu'on a vu le corps avait été momifié, d'ailleurs à la stupeur de Maestroni, qui était juge d'instruction à ce moment-là. Parce que qui a ordonné cette momification? Parce que c'est important, la deuxième autopsie n'a pas pu connaître les causes de la mort, puisque la momification change toute la physiologie des organes. Bien sûr, bien sûr. On ne peut voir que les fractures. C'est ça qu'on a vu, des fractures qui avaient été passées sous silence. Mais en fait, ce témoin médecin légiste, ce médecin réanimateur, pardon, dit bien qu'il a été tapé. C'est ce que d'ailleurs avait dit aussi le conseiller municipal qui était là. Il a reçu, c'est un vrai boxeur. Donc, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Non, il n'a jamais été noyé. D'où de suite, il y a eu une volonté de cacher la vérité. On a fait croire qu'il avait pris des barbituriques, il n'y en a jamais eu. Mmh. Après, on nous dit qu'il a avalé du Valium, on n'a retrouvé aucun comprimé dans son corps. On a retrouvé du Valium, mais pas de comprimé. Bon, je ne vais pas vous énoncer les 80 anomalies, mais pour vous dire que ce qui fait peur, c'est que dans notre pays, on peut, 40 ans après, cacher l'assassinat d'un ministre en exercice, qui était un homme honnête, qui se bagarrait tous les jours pour essayer de faire avancer les choses comme il l'entendait, c'est-à-dire sur le plan social, puisqu'il était ministre du Travail, et que ça gênait beaucoup de gens qui étaient au cabinet de Raymond Barre, et que l'ultralibéralisme, non, mon père n'en voulait pas. Et ça, ça aussi, ça gênait. Il s'est beaucoup bagarré, oui. Et que voilà, et qu'un premier ministre honnête, qui est contre cet ultralibéralisme et qui est gaulliste, un vrai, qui a fait de la résistance, et qui, ce premier ministre de Giscard d'Estaing, donnait toutes les chances que Giscard d'Estaing soit réélu. Alors... Donc les choses, voilà, donc... pour vous revenir à cette reconstitution, l'après-midi, nous sommes allés à Montfort-l'Amaury parce qu'il y a un témoin qui est très précis et qui dit qu'il a vu mon père dans une voiture avec deux autres personnes. Oui, ça, absolument. Quelques heures avant sa mort, et qu'il explique au juge parfaitement ce qui s'est passé. Nous y sommes allés, on a pris des films, et on voit très bien tout ce que raconte ce monsieur, c'est-à-dire qu'en face de l'église de Montfort-l'Amaury, la chaussée se rétrécit, on ne peut pas passer à deux, donc ce monsieur s'est mis sur le côté comme nous avons vu ce dimanche-là beaucoup de gens se ranger. Et oui. On laisse une voiture passer. Alors, il a eu le temps de voir et de reconnaître Robert Boulin. Alors, donc il était avec deux jeunes personnes, deux hommes qui n'ont jamais revendiqué d'être avec lui. Fabienne Boulin-Borja, je disais tout à l'heure que nous avions presque 20 minutes, c'est à la fois peu et beaucoup, donc c'est aussi peu. J'ai d'autres questions à vous poser, donc merci pour les réponses complètes que vous nous faites. Mais puisque j'ai d'autres questions, peut-être un petit peu plus concis pour les prochaines réponses, notamment votre avocate déclare à la presse, je verserai à titre d'information ce que nous aurons constaté lors de la reconstitution. Oui. Ce n'est évidemment pas un élément de preuve, ça n'a pas les garanties que constitue un acte judiciaire, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ou plutôt ce qu'on nous concède, et comme on ne nous concède pas grand-chose depuis 4 ans, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ce sont des accusations de la part de votre avocate ou des constatations ? Par rapport au travail de la justice. Des constatations, mais aussi on essaye de dire au juge, mais venez faire une reconstitution l'année prochaine, faites-la. Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait le même, que ça soit le même mois, le même jour. Bon. Mais donc, bien sûr que nous, on l'a fait avec nos moyens, mais c'est pour montrer que ça apprend énormément la reconstitution. Voilà. Et que toutes nos demandes sont sensées et qu'il faut aller vite. Il faut le faire 4 ans et demi pour interroger et ne pas aller chercher les archives, regarder les archives depuis 5 ans, nous devons y aller. Nous pouvons y aller. Le juge peut aller voir ses archives. Et puis, aussi, là, enfin, le juge a accepté qu'il y ait un collège d'experts médico-légaux qui vont regarder le dossier et qui vont voir, parce qu'il a interrogé un médecin légiste de Bordeaux qui lors de la deuxième audition, et donc il a dit que le corps de mon père a été regardé par les médecins et qu'il y a eu cette autopsie, l'autopsie ne fait la preuve de rien. Elle ne veut rien dire. Et de conclure au suicide, c'est une aberration et ce n'est pas possible. Ils ne se sont pas donné les moyens de connaître la cause de la mort. Donc, voilà. Donc ça peut pas être un suicide. À partir de là, est-ce que c'était Robert Boulin, l'homme qui en savait trop, et qu'est-ce qu'il savait en trop? Et là, ma question va être directe. Qui l'aurait assassiné et pour quel mobile exactement? Parce que vous parliez tout à l'heure, alors on disait qu'il était dans Robert Boulin, était tenant d'une politique qui n'était pas celle de l'ultralibéralisme. Enfin, on peut pas être assassiné pour ça. Non. Pour vous, votre intime conviction, c'est qui? Votre intime conviction, qui aurait pu le tuer et pourquoi? Ben écoutez, il y a des gens qui ont donné deux noms, hein, donc après au juge de faire son travail. Moi, j'ai toujours voulu que la justice passe et avance. Moi, je ne vais pas donner ces deux noms comme ça en pâture. Mais on voit très bien que qui a donné, c'est ce que disait Chaban. Posez-vous la question de qui a monté le dossier de Ramatuelle. Ben, on sait que c'est Pasqua maintenant. Hein. Bon, eh bien, Chaban disait si vous savez qui c'est, vous aurez le nom de l'assassin. Il faut se poser des questions comme ça. Voilà. Et quand Robert Boulin, à un moment donné, voit bien qu'on lui monte une fausse affaire immobilière, moi je suis là, j'y habite, personne n'a jamais rien revendiqué, il n'y a aucun souci, mais c'est une affaire montée pour le déstabiliser, il y a une guerre des droites, vous le savez bien, en fin des années 70, c'est épouvantable. Oui, absolument. Et on parle de scuds qui passent au-dessus de sa tête tous les jours. Mais justement, les scuds, ils ont atterri où, hein? Et donc, il y a une guerre terrible avec des gens, et notamment les soutiens de Jacques Chirac, qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour qu'il ait le pouvoir. Bon, mais ça ne va pas marcher, il passera un pacte avec Mitterrand. Mais voilà, et je vous assure que pour le pouvoir, les gens deviennent fous, hein. Ça c'est sûr, et que Robert Boulin était quelqu'un qui était bien placé pour être Premier ministre et devenir le chef de la majorité. RPR à ce moment-là, le Premier ministre devient chef de la majorité. Et c'était un homme très respecté. C'était un homme qui était un adversaire de Chirac. D'ailleurs, la seule fois où il n'a pas été ministre de 61 à 79, c'est quand Jacques Chirac était Premier ministre. Donc il y avait une bagarre terrible au sein de la droite avec, bien sûr, le camp giscardien. Et il y avait une violence terrible. Alors, avec Pasqua qui était auprès de Jacques Chirac. Dernière question, Fabienne Boulin-Burja. Vous voyez à quel point ça passe vite. Hein. C'est quoi vos espoirs maintenant dans cette quête de la vérité? Quelles étapes vous attendez maintenant? Bien, moi, je trouve qu'après 40 ans, il serait normal que la justice fasse son travail, que l'on donne les moyens aux juges d'instruction, parce qu'on en a deux. La deuxième, je ne la connais pas, ça fait 8 mois qu'elle est nommée, elle n'a pas encore commencé à faire quelque chose, mais bon, voilà. Donc, si on donnait les moyens, si on donnait 3 mois sans autre dossier aux juges, avec une volonté de faire la vérité, on saurait tout. Hein. Et moi, j'aimerais que, dans ce pays, on puisse regarder la vérité en face, de savoir qu'il y a des violences insupportables dans ce pays et qu'il y a des basses manœuvres qui ont eu lieu et qu'il faut savoir les regarder en face. Très bien, ben, ce sera le mot de la fin, forme de conclusion provisoire, hein, Fabienne Boulin-Burja. Ben oui, parce que je continue jusqu'au bout. Oui, je hein. sais, je sais, je sais. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Merci, au revoir. Et merci, au revoir. À vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la mort de Robert Boulin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour tout renseignement complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.